Cet homme Jésus, cet homme mon ami fidèle. Au carrefour du temps, c'est ta lumière qui m'est conduit. N'avoir qu'une seule envie, c'est de t'aimer jusqu'au bout. Ces chemins étroits et perleux, mon désir, c'est de t'aimer jusqu'au bout. Que Satan se déchaîne, mon chat brave l'orage. Je n'ai que le nom de Jésus, en son nom j'ai la victoire. En ton nom j'ai la victoire. En ton nom j'ai la victoire. Oh, oh, oh. En ton nom j'ai la victoire. En ton nom j'ai la victoire. Quelle que soit la maladie, tu es au-dessus de toutes choses. Oh, je crois et je confesse, tu es ma guérison. Oh, oh, oh, oh Jésus, oh c'est toi ma guérison. Oh, oh, oh, oh, oh, tu es ma guérison. Oh, tu es ma guérison, mon Jésus-Christ. Oh, c'est toi ma guérison. C'est par tes meurtres que nous sommes guéris. Tu es ma guérison. Yeah! Et quand je pense à ce qui m'attend, ce n'est qu'une question de temps. LRM, prenons courage, bientôt tout sera fini. Oh! Bientôt tout sera fini, eh. Oh mon Jésus, moi je sais que bientôt tout sera fini, eh. Oh mon Jésus, nous serons assis sur une même table dans son intimité. Bientôt tout sera fini. Vêtu de gloire, et tout il le verra quand il apparaîtra dans la nuit de gloire. Je m'envolerai, car tout sera fini. Eh, eh, eh. Merci Jésus, c'est toi le grand vainqueur. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous voulons t'adorer, Jésus. Jésus.